Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver pour cette 829e émission. Et ouais, comme le temps passe vite. Ou ce soir, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura? Plein de choses comme d'habitude. Il y aura des nouveautés au nombre de 4. Et puis, bah, cette semaine, on va se sortir aussi des petites choses assez un petit peu anciennes qui ont un petit peu rapport avec l'actualité. Ça fait quand même toujours bien de se ressouvenir de très bonnes choses. Donc, comme de toutes les semaines, on va faire un petit survol de tous les genres et sous-genres qui composent notre style préféré. Et puis, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. On va partir du côté de Nantes. On va se faire un petit extrait du EP des Nantais, donc de Cornucopia, groupe de Doom, qui a sorti un petit EP l'année dernière qui s'intitule The Midnight Hour Epic, très intéressant. Et ce soir, on va aller faire un petit tour du côté des rues du désespoir avec Desperation Streets. We'll be right back. Souvenir. Ah là, on était en 1972. Vous aurez reconnu, j'imagine, un classique du grand, du majestueux Black Sabbath, un extrait donc de l'album Volume 4. C'était le morceau Cornucopia. Et bah, pourquoi j'ai passé ce morceau? Bah, j'ai pas pu résister puisque juste avant, vous avez le groupe donc Cornucopia, groupe de Nantes qui nous a sorti un petit EP sympa qui s'appelle The Midnight Hour EP et qu'on a pu s'écouter donc la Desperation Streets, donc le premier morceau de ce soir. Tiens. Si vous êtes fan de Black Sabbath, vous avez dû entendre dire que il y aurait vraiment le concert d'adieu, entre guillemets, puisqu'il y aurait lieu donc cet été à Birmingham le 25 juillet prochain, où le Sab d'origine devrait faire un concert vraiment d'adieu, accompagné de plein de stars, puisqu'on y trouve Metallica, Slayer, Pantera, Mastodon, et j'en passe, et des bien d'autres, et beaucoup d'invités. Enfin bon, je pense que le prix des places doit être aussi à proportion. Voilà. Bon, maintenant, on va se faire donc la première nouveauté de la soirée, avec la première vraiment grosse nouveauté de l'année 2025. C'est le nouvel album de Dream Theater, leur 16e, Parasomnia, qui est sorti, dont on lit partout des critiques assez dithyrambiques, puisque Mike Portnoy, maintenant, depuis qu'il est revenu, c'est le retour du fils prodigue, c'est le retour du Dream Theater qu'on a aimé pendant les années 90 et les années 2000. Alors, moi, je peux vous dire que l'album, je l'ai depuis une quinzaine de jours. Et oui, ça c'est un des privilèges d'être animateur radio, et que j'étais très content de le recevoir. Malgré tout, j'ai écouté, réécouté et encore réécouté. Je dois avouer que j'ai pas senti de grande différence avec les prédécesseurs. Alors, les prédécesseurs où Mike Portnoy n'était pas là, bien sûr, il est là, Mike Portnoy, et ça s'entend au niveau du jeu de batterie, même au niveau du son quand même. Le son est quand même un peu plus organique que sur les albums précédents. Mais j'ai pas retrouvé le côté aventureux des albums précédents. On est en territoire connu, ça c'est sûr, on y retrouve. D'ailleurs, même certains passages, je me dis, tiens, c'est curieux, j'ai déjà entendu ça sur un morceau de Dream Theater. Enfin, bref. Toujours est-il que malgré tout, ça le fait quand même. L'idée de faire un concept aussi sur le sommeil parasomnia, quand on s'appelle Dream Theater, je pense que ça pouvait que le faire. Et vu la musique que fait le groupe, ça cadre à merveille. D'ailleurs, à aucun moment c'est ridicule, c'est même très bien joué. Mais bon, malgré tout, c'est bien, c'est très bien, ça joue super vraiment bien, mais bon, on ne retrouve pas le Dream Theater des années 2000. Enfin bon, ce n'est que ma propre opinion. J'imagine que certains d'entre vous vont adorer, peut-être m'incendier de critiques en disant que bon, j'ai les oreilles bouchées, ce qui n'est pas impossible non plus. Enfin, voilà. Gros reproche que je fais aussi, c'est que je trouvais que le chant de James Tabry était très linéaire. Il faut dire que bon, maintenant, il a beaucoup de mal à monter dans les aigus et du coup, il a essayé plutôt de faire quelque chose de plus soft. Malheureusement, ça ne suit pas toujours la musique. Enfin bon, voilà ce que j'en dis. Malgré tout, ça reste quand même dans le haut du panier. Donc, extrait de cet album, A Broken Man. Bon, un petit problème technique. La platine n'a pas voulu nous passer le morceau de Dream Theater. On va essayer de vous le passer sur une autre platine. Et oui, comme je vous disais, c'est les inconvénients du direct. C'est des choses qui arrivent. Pourtant, je pensais que Dream Theater, quand même, je peux comprendre que la platine soit un peu réfractaire à du black metal, des choses comme ça, mais enfin, quand même. Bon, je vais essayer d'être gentil avec elle. Hein. Je vous relance A Broken Man. Voilà, on a fini quand même par le passé sans coupure. Dream Theater, extrait donc de leur nouvel album Parasomnia, c'était donc A Broken Man, donc première nouveauté donc de la soirée. Tiens, on va changer de style. On va faire un petit tour au Hellfest en 2016, où Tarja Turunen donc délivrait un concert sur des main stage. Et lors des concerts de Tarja, bah, il y a toujours un moment consacré à Nightwish, hein, ça c'est, on y coupe pas. Et bah, sur ce concert, il y a un petit medley. Alors je vais pas vous dire les titres qu'il y a, on va faire un petit jeu, s'il y en a que ça intéresse. Si vous arrivez à deviner tous les titres de ce concert, pas de problème, vous gagnez un CD. Et même si vous en ne trouvez qu'un, voilà, il suffira d'appeler au 02 38 43 48 00. Donc, extrait du Rocking Hills Live at Hellfest, sorti la fin de l'année dernière, le petit medley de Nightwish par Tarja. personne n'a deviné, visiblement. Pourtant, c'est vrai que, bon, c'est pas les plus connus, mais quand même. Tutankhamun, Everdream, The Riddler, Slaying the Dreamer, tout ça c'était donc le petit medley donc de Taria, qui figure donc sur le live Rocking Hills Live at Hellfest, donc enregistré donc à Clisson en 2016. Et bien maintenant on va se faire un petit peu de death metal et on va revenir à des revenants, des vieux de la vieille avec le groupe Gurkhas qui s'est reformé après près de 20 ans d'ancienneté. D'absence, que ce que je raconte. Et Gurkhas, donc, qui a ressorti un best-of qui portait donc le titre de leur dernier album, A Life of Suffering. Et on va se faire une petite douceur. Ça s'appelle The 12 Gurkhash Commandments. Fuck! moment de douceur qui vous est offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Gurkhas avec The 12 Gurkhas Commandment, extrait donc de l'album compile Life of Suffering, pour célébrer le retour de ces précurseurs du death metal. On va changer complètement de style avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un truc tout chaud, tout bouillant, puisque c'est sorti vendredi, un groupe qui s'appelle Liquid Bear, qui existe depuis 2018. Ils ont déjà sorti deux EP, et là c'est leur premier album, qui s'appelle Second Life. Alors musicalement, par contre, on est plus dans du rock progressif à la King Crimson, avec des choses très intéressantes. D'autant plus que si vous suivez un petit peu King Crimson, vous avez sûrement remarqué que lorsque Tony Levin, le fameux bassiste, joue avec eux, il a ce qu'on appelle un stick, une sorte de contrebasse électrique. Et bien là, le groupe joue avec une guitare fretless. Comme quoi, ça peut être quelque chose d'assez étonnant au niveau du son. Donc un extrait donc de cet album qui s'appelle Second Life. Et ben pourquoi faire compliqué ? On va se passer le morceau qui donne son titre à l'album. Out of the blue, as the season. jusqu'au dernier Larsen vous aura laissé ce petit morceau de Solstice, nouvel album de Furs, j'espère que je prononce bien, PVRS, c'était Echoes. Belle réussite ça aussi. Juste avant, deuxième nouveauté de la soirée, Liquid Bear et son premier album Second Life, et c'était donc le morceau qui a donné son titre à l'album. On va revenir au live posthume de Magnum, si vous voulez bien, sorti en début d'année. Album live qui contient donc le dernier concert que le groupe Magnum avait enregistré lors de la tournée The Monsters Roars en décembre 2022. Sans penser qu'effectivement ce serait leur dernier tout court. Enfin, bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement, puisque le guitariste Tony Clarkin est décédé peu de temps après la sortie du dernier album studio Here Comes the Rain en début 2024. Donc en attendant, on a quand même ce live pour se remémorer ce groupe énorme qui était Magnum. Enfin, énorme, pas en termes de vente, mais en tout cas en termes de qualité. Et ben, on va se faire le morceau qui donne son titre à l'album The Monster Roars, extrait donc du live à The Kicker Steel Mill. We're going to play a song that's the title track from our 22nd album. It came out earlier this year. This song is called The Monster Roars. We hope you like it. Last tonight, no one to play. Thank you. Archway of Tears and the Monster Roars, donc deux extraits du live at KKL Steel Mill, live donc posthume du groupe anglais Magnum. Est-ce que vous voulez du pur heavy metal? Bah moi j'en ai bien envie. Et bah tiens, on va se passer un petit Night Demon. Pourquoi est-ce qu'on passe du Night Demon? Bah tout simplement parce qu'ils seront en concert lundi soir en première partie de Queensryche au Trianon. Queensryche, on en passera un petit morceau tout à l'heure et ça promet vraiment d'être une belle soirée pour tous les nostalgiques du heavy metal pur années 80. Eh bien, on va se faire un extrait donc du deuxième album des Américains, Dark Death Remains, sorti donc en 2017, avec un petit brûlot sympa qui s'appelle Maiden Hell. We'll be right back. Petit détour en Équateur avec Midnight Race. Ouais, c'est un petit moment qu'on n'avait pas passé. Un petit extrait de leur premier album Heavy Metal Hall, c'était Killer Queen. Ah, je sais pas vous, mais moi quand je réécoute ça, j'ai l'impression de retrouver mes 15 ans. Juste avant Midnight Race, dans le même esprit, Night Demon avec Maiden Hell, qui lui est extrait de son deuxième album Darkness Remains, sorti en 2017. Et Night Demon, je vous rappelle, sera en première partie de Queensryche lundi soir au Trianon à Paris. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. En attendant, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec le nouvel album solo de Mark Tremonti, le guitariste de Alter Bridge. C'est son cinquième album sous son nom propre. Et on peut dire que de plus en plus, Tremonti, c'est un Alter Bridge bis. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. On retrouve la même production, le même son de guitare, ça ne peut pas changer. Et en même temps, Mark Tremonti nous montre que même s'il n'a pas une voix aussi puissante et aussi versatile que celle de Miles Kennedy, il s'en sort très très bien, moi je trouve. Et ce End Will Show Us How, si vous êtes fan d'Alter Bridge, de ce genre de groupe, allez-y, les yeux fermés. C'est une belle réussite, comme toujours. Extrait de cet album, le morceau Nails, ce soir. All hopes disappear before my eyes. One of Eight, extrait de Fractured Realities, l'excellent nouvel album de Kellogg, les Italiens de Kellogg. Avant Kellogg, c'était la troisième nouveauté de la soirée avec Tremonti et son cinquième album solo, The End Will Show Us How, et c'était Nails. Et bien maintenant, je vais vous emmener loin, en Norvège, au temps des Vikings, dans les forêts, aux endroits où les Vikings se préparaient au combat, où le chaman faisait donc une prière pour que les dieux leur soient favorables. Et pour ça, je pense que Wardruna, ça va le faire. On va se faire donc un petit extrait de Birna, leur nouvel album. Et on va se faire une petite douceur qui s'appelle Trétal. Je crois que ça veut dire quelque chose comme la voix des arbres. Donc ambiance, comment dirais-je, propice plutôt au recueillement. Il est 20h28 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et oui, c'est bientôt la dernière demi-heure d'Electric Shock. Electric Shock, donc entre 19h et 21h, d'où le mardi soir sur 96.2. Donc, Wardruna et le morceau Tretal, je crois quelque chose que ça signifie la voix des arbres, extrait donc de l'album Birna. On va changer complètement de style avec quelque chose d'un peu plus brutal, on va dire, avec le premier album de Usquam, Ex Nihilo, que je vous ai présenté la semaine dernière, mélange de black, de death, de doom et de post-metal, avec l'extrait donc de l'album donc Ex Nihilo, oui, comme je viens de le dire, et on va s'envoyer Altar Ego. Thorns, un petit extrait de Hill, le premier album du groupe Holz, juste avant Usquam et l'album Ex Nihilo, et c'était Alter Ego. D'ailleurs, pour l'info, ces deux albums sont chroniqués dans Rockhard ce mois-ci, ainsi que d'ailleurs Liquid Bear qu'on vous a passé tout à l'heure. On ne peut pas dire que Electric Shock n'est pas à l'affût de tout ça quand même. On va se faire maintenant la quatrième nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de La Rochelle, qui s'appelle Walnut Grove DC. C'est un groupe de stoner qui existe depuis 2010. Ils ont déjà sorti trois albums, dont deux EP. Et là, ils viennent de nous sortir un EP tout chaud, tout bouillon, qui s'appelle Deeper, vendredi dernier. Alors, ça rappelle un petit peu aussi le Motorhead des débuts. Enfin bref, du costaud, comme toujours. Donc, extrait de ce EP, Mind Julep, maintenant. Drop! Je vous le dis depuis plusieurs semaines, ça c'est le gros coup de cœur pour ce début d'année pour Electric Shock. Donc Dead Acid People avec Flash Blood, extrait du album Feed Me. Juste avant, c'était la dernière nouveauté de la soirée avec le EP de Walnut Groove d'ici Deeper, c'était Mind Julep. Maintenant, on va faire un petit retour dans le temps, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est passé Night Demon. Il y aura la légende du métal américain Queensryche qui sera en concert donc lundi soir au théâtre du Trianon. Et ils seront là pour rejouer l'intégralité de leur EP éponyme qui était sorti en 1983 et de leur premier album The Warning, sorti donc un an après. Et qui figure toujours quand même parmi des chefs-d'œuvre du métal pas progressif, mais enfin de ce qui allait préfigurer après. Et pour moi, c'est quand même un retour aux sources. Donc j'y ferai un petit tour et je pourrais vous en dire deux, trois petits mots. En attendant, on va revenir à l'album The Warning, justement, sorti à l'époque, pour se replonger dans l'ambiance. Et on va se faire un petit extrait qui s'appelle No Sanctuary, qui préfigurait déjà le métal progressif. No more chance, no more space. No Sanctuary, extrait de The Warning. J'adore ce morceau. D'ailleurs, j'adore cet album de cours de Queensryche, sorti en 1984. Et Queensryche, donc, qui sera en concert lundi soir au Théâtre du Trianon à Paris, où ils vont jouer donc l'intégralité de cet album mythique en compagnie de Night Demon, dont on s'est diffusé un petit morceau tout à l'heure. J'avais oublié de vous dire en début d'émission, là on va se faire un petit hommage bien sûr à un très grand guitariste. Moi quand j'étais gamin j'avais deux héros, c'était Eddie Van Halen et Gary Moore. Donc on va se faire un petit extrait de ce grand guitariste d'un live sorti en 1986, enfin initialement sorti au Japon en 83, qui s'appelait Rocking Every Night Live in Japan. Et on va se faire un petit solo de guitare qui s'appelle White Knuckles. C'est un petit peu le Eruption de Van Halen, repris à la façon Gary Moore. Voilà, donc en hommage à ce grand guitariste qui nous a quitté maintenant, il y a de ça 14 ans, le 6 février 2011, mais on n'oublie pas. Donc, extrait de ce live, White Knuckles. White Knuckles, petit solo de Gary Moore, extrait donc du live Rockin' Every Night, Live in Japan, sorti en 1983. Et c'était donc en hommage à ce grand monsieur. Mais il nous reste très peu de temps, donc on va se terminer avec un petit Burning Heads qui nous a délivré donc un super concert à l'Astrolabe samedi soir, une fois de plus. C'est à croire que le poids des ans et les changements de line-up n'ont pas d'effet sur eux. C'est toujours aussi jouissif. Un petit extrait de Torches of Freedom avec Endless Loop in My Head, morceau qui a été joué d'ailleurs samedi soir. Pour terminer, Electric Shock. Loop in my head, donc extrait de Torches of Freedom de Burning Heads. Ça, c'était pour se remettre dans l'ambiance du concert de samedi soir. Et c'est également donc le dernier morceau pour Electric Shock. Electric Shock, c'est fini, mais la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel. Puisque maintenant, place aux amis Nightclubbers avec Electro Live. Je ne sais pas ce que l'ami Christophe nous a préparé ce soir. Là, je l'ai vu bidouiller, il faisait plein de branchements. Je ne sais pas ce qu'il vous prépare ce soir. On va voir ça avec lui. Salut! Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer aux auditeurs d'Electro Live? Oh, un set électro, je crois. Oui, bien sûr, comme okay, je m'en doute. C'est facile. Non, mais comme je disais, je t'ai vu faire plein de branchements ce soir et tout. Peut-être chose. Pour être en live sur Twitch, ouais. Et je vous invite à venir nous rejoindre, au moins. Vous aurez l'image. En plus du son, de la radio. Voilà, donc si vous avez envie de tenter une expérience à la fois sonore et visuelle, ben voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste vous à croirez, faire. Ouais, j'ai fait une vidéo de moi avec l'IA, on fait des trucs fabuleux en fait. J'ai pris 3 photos de moi dans un club il y a 20 ans et ça, on arrive à animer les images comme ça. Voilà, faut venir sur Twitch. Donc vous trouvez, vous connectez avec le nom de mon nom de DJ, hein, Chris Space. Je sais plus s'il y a DJ devant. Et puis au moins vous aurez l'image quoi. Voilà. Vous verrez le studio de la radio. Donc c'est noté. Si vous avez envie d'avoir l'image, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais en attendant, pour le son, c'est tout simple. Voilà. Hein. Ce sera de la house et de la tech house. Sinon, pour le son, ce sera 96.2 sinon sur internet, tout simplement. Tout ça. Ouais. Yes. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Electro Live, c'est tout de suite maintenant.